science, philosophie et littérature. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la pensée et de la pratique littéraire d'Aimé Césaire. Mais avant de commencer, je voudrais vous remercier de m'avoir invité, hein, parce que c'est la première fois de ma vie que je parle en France à un public sérieux. Ça, vous ne le savez pas encore. D'Aimé Césaire. J'ai surtout été invité par des associations antillaises, etc., mais je n'ai jamais été invité par une université française pour parler de ça, et surtout par des universités étrangères, en Pologne, aux États-Unis, en Belgique, etc., mais jamais en France. Et donc ça me fait vraiment très plaisir que ça vienne de Bretagne. Ben oui, c'est l'exception dans l'exception bretonne. Je peux vous le dire. En sens plus terre, évidemment. Et en plus, je ne suis jamais venu en Bretagne. Donc, ah bon. Vous avez un beau soleil. Et ça fait bien venu. Donc vraiment, ça me touche beaucoup. J'ai répondu tout de suite. Je pense que j'ai eu un contact avec Nathalie Karadec. Vraiment, je vous remercie de tout cœur de m'avoir invité. Et en vérité, je n'ai jamais pensé. Mon travail en termes didactiques, je n'ai jamais réfléchi à comment présenter mon travail, parce que j'ai jamais eu cette occasion. En fait. Donc j'ai plutôt présenté mon travail à des étudiants, parce que j'ai que des étudiantes. Je sais comment enseigner, j'espère savoir comment enseigner ça, mais je ne sais pas comment parler de ça à des chercheurs aguerris comme vous. Donc si ce n'est pas clair, pas peut-être par le jeu des questions, je voudrais clarifier certains propos. Ce qui me semble clair peut-être ne l'est pas pour vous. Donc, en fait, je ne suis pas venu ici pour exposer simplement, je suis venu ici pour apprendre de vous et éventuellement pour repartir d'ici plus enrichi et en ayant remis en cause également ma démarche actuelle. Donc, je ne suis pas venu ici avec des certitudes, mais plutôt pour, juste pour avancer avec vous. Et donc, du point de vue des marges, Aimé Césaire, discours postcolonial, pensée postmoderne, des notions qu'il faudra interroger, bien sûr, hein, donc ce ne sont, sont pas des évidences. Et Qu'est-ce que repenser la démarche intellectuelle d'Aimé Césaire dans la temporalité postmoderne et postcoloniale? Une telle période, de mon point de vue, recoupe deux moments qui ont été propices à la maturation et à l'épanouissement intellectuel de la réflexion césarienne sur ce que j'appellerais la colonialité du pouvoir, un concept que j'ai volé à Hannibal et Cuano. Mais en le recentrant sur les Antilles, parce que lui, c'est plutôt l'Amérique latine. Et il m'a semblé qu'en fait, son concept de colonialité du pouvoir, qui est en fait une forme d'intégration de l'aliénation, ou de l'incorporation de l'aliénation, pour utiliser tous les termes de Bourdieu, n'est pas très loin non plus de l'aliénation au sens de Spinoza. Et donc, J'ai essayé de travailler Aimé Césaire à partir de ce concept de colonialité du pouvoir. C'est la raison pour laquelle je ne connais pas le A. J'ai intitulé mon livre sur Aimé Césaire, le fil et la trame, critique et figuration de la colonialité du pouvoir. Donc, comment Aimé Césaire essaie de construire un discours critique, sans un crisis, hein, séparation, et comment en même temps il essaie de figurer cela, c'est-à-dire d'opérer une incision dans la complexité de la colonialité du pouvoir, c'est-à-dire de comment il essaie de simplifier une complexité à partir de figures historiales. J'y reviendrai tout de suite. Dès lors, aborder celle-ci, c'est-à-dire la colonialité du pouvoir aborder la réflexion césarienne à partir de la colonialité du pouvoir, peut-il rendre plus intelligible le contexte actuel, qui a vu depuis de nombreuses années réapparaître dans l'espace public en France notamment, et en Europe en général, la problématique relative à la colonialité à travers ce que l'on appelle la question noire, ou encore celle de la diversité, comme le laisse encore penser l'actualité la plus récente, avec la départementalisation de Mayotte, ou encore l'entrée au Panthéon de Césaire. Alors, je viens juste de lire le discours de Sarkozy pour l'occasion, donc j'ai pas trop eu le temps de réfléchir sur la question, mais il me semble que le pouvoir officiel en France n'a absolument rien compris de la pensée. on y reviendra. Je voudrais critiquer ce discours-là, mais j'ai pas eu le temps de le faire. C'est un sentiment comme ça que je vous donne. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont mieux réfléchi, donc j'aimerais dans ce cas-là entendre leur point de vue plus tard. Si la résurgence dans l'espace public d'une telle interrogation entraîne un bouleversement de l'univers des débats, celui-ci en formation depuis longtemps se retraduit-il dans la pensée et la praxis littéraire d'Aimé Césaire ? Donc il me semble que, et c'est l'erreur des littéraires en général, parce que malheureusement je les connais bien, c'est qu'ils ne pensent, pensent rarement la littérature, en l'occurrence la littérature afro-antillaise, de façon contextualisée. C'est souvent décontextualisé, et on dirait qu'il y a quelque chose qui les embête. Hein, chez Aimé Césaire, c'est que Aimé Césaire, il est éminemment politique. Hein, donc il faut absolument évacuer cet aspect-là. C'est curieux, mais c'est surtout en France que cet aspect-là... non, c'est sérieux, vraiment. C'est surtout en France que cet aspect-là est évacué par les littéraires qui travaillent surtout à la Sorbonne, ou des choses comme ça. Hein. Donc, en fait, il y a une association qui s'appelle APELA, Association pour l'étude des littératures africaines. Donc là, il est censé y avoir des spécialistes de Césaire, et souvent, quand je les entends, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais lu Aimé Césaire. Et donc, mon travail s'est surtout inscrit, non pas contre eux, mais en écart. Donc moi, j'ai voulu recontextualiser, mais pas recontextualiser en tombant dans le piège d'un discours miroir, donc, mais plutôt un discours de réfraction, ou de retraduction littéraire et philosophique, puisqu'il y a aussi une pensée, en fait, chez Aimé Césaire. Donc, ma thèse fondamentale consiste à dire que dans la littérature afro-antillaise, parce que je lis les deux, tout comme dans la pensée antique, en fait, la philosophie se trouve dans la littérature. La philosophie de ces auteurs-là, de la diaspora afro-antillaise ou de la diaspora des marges, il n'y a pas de traité philosophique, mais en revanche, leur philosophie se trouve dans leur production, dans leur production littéraire. Dès lors, étudier leur production littéraire revient également à dégager leur pensée. En tout cas, c'est le point de vue que j'essaie de défendre. Et ce n'est pas un point de vue, c'est peut-être évident pour certains ici, mais ce n'est pas un point de vue qui est évident dans le domaine de la littérature afro-antillaise. Donc c'est un point de vue qui est complètement rejeté. Pour des raisons, bien sûr, de positionnement universitaire, etc. Donc à partir de cette interrogation, il s'agit surtout de me concentrer sur le moment du positionnement littéraire, politique et philosophique d'Aimé Césaire dans le champ intellectuel de la diaspora afro-descendante. Cette orientation m'amène à préciser mon questionnement en me demandant si, chez Césaire, les rapports de proximité avec soi-même et l'autre ou l'altérité passent par une déconstruction de la violence épistémique héritée de l'incorporation de l'aliénation au sens de Spinoza. Pour ce faire, Césaire semble proposer une modalité d'approche de l'identité et de l'altérité à partir de l'usage de figures de proximité. Quel est le statut de ces figurations, alors conçues comme des représentations refondatrices grâce à la relecture postcoloniale de la colonialité qui, dans sa production, s'exprime sous la forme d'expériences concrètes, comme la violence ou encore la souffrance humaine. Peuvent-elles être considérées comme constitutives de l'ipséité des minorités et comme la mesure des rapports au monde de Césaire ? En évoquant la pratique littéraire et politique d'Aimé Césaire, dans l'espace des prises de position intellectuelles des années 50 à 70, deux moments semblent l'avoir particulièrement marqué. Son discours s'est d'abord déployé en un moment de configuration du champ intellectuel de la diaspora française, temporalité pendant laquelle a émergé un Césaire dans l'univers intellectuel et sociopolitique, un Césaire qui tente de promouvoir des figures de proximité avec l'historicité antillaise, c'est-à-dire des figures narratives contre le rejet dans les dehors de l'histoire, au sens où provincialiser l'Europe. Son livre qui m'a beaucoup intéressé dans cette notion de, dans l'idée de narration d'une histoire et, de critique ou de rejet dans le caractère primitif ou en dehors de l'histoire de toute pensée qui ne serait pas une pensée européenne. Bon, c'est peut-être mal exprimé, là, mais c'est à peu près... Et il me semble que la démarche d'Aimé Césaire, sans faire d'anachronisme, c'est une démarche qui vise justement à provincialiser une certaine pensée européenne, de ce point de vue-là. Et donc, je voudrais l'aborder en trois temps. Donc, pardonnez-moi d'être un peu scolaire, hein, mais je me méfie de moi-même. Hein, donc, pour être certain que c'est clair, donc je voudrais vous parler d'abord du contexte, hein, mais que vous connaissez un contexte très très rapidement, juste pour situer les choses. Littérature, donc le concept de la littérature, donc l'émergence de ce qu'on appelle le nomos, hein, ce que Bourdieu appelle le nomos ou le principe de vision, de division de l'univers littéraire, imposé par Sartre à la Libération, c'est-à-dire la littérature engagée, et la domination sartrienne, Ensuite, la formalisation d'un champ littéraire afro-antillais, comment se constitue un réseau. Mais on ne peut pas dire que ce soit un réseau qui soit institutionnalisé. Parce que les Belges, notamment les penseurs belges, qui plutôt eux ne parlent pas de champ littéraire, ils préfèrent parler d'institution de littérature, il me semble que ce concept-là pose problème parce que, d'abord, ils pensent les choses uniquement à partir du monde occidental, puisqu'il y a des institutions. Mais il y a également des réseaux qui ne sont pas forcément institutionnalisés, et qui peuvent se greffer sur des institutions en fonction des contingences. Notamment pour ce qui concerne les auteurs afro-antillais, ils sont dans un réseau plus global, mais ils publient en France. Donc ils se servent des institutions françaises pour rayonner à l'extérieur. Et puis, les débats et les enjeux que suscite leur démarche. En effet, sans tomber dans le concept d'acte inaugural, n'est-ce pas, on peut situer, grosso modo, l'émergence de Césaire dans l'entre-deux-guerres, pendant la guerre. En effet, donc, la crise nationale pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui voit advenir le régime de Vichy dans le champ politique et institutionnel, fait porter l'enjeu sur la lecture du moment actuel, c'est-à-dire de l'actualité immédiate. En ce sens que le nouveau régime impute la responsabilité de la défaite aux figures qualifiées de mauvais maîtres, Gide, Mauriac, etc., Gide pour son homosexualité, au profit de la promotion de la figure du travailleur de la terre, le paysan, censé représenter l'esprit français. Pour ce faire, Céline et Peggy sont récupérés et vantés parce qu'ils représenteraient cet esprit. Ils sont alors relus dans cette perspective distordue. Il s'agit là d'une manifestation du nouveau nomos ayant cours dans un champ politique complètement bouleversé qui porte le nom de révolution nationale. Une révolution qui reformule l'enjeu relatif au sens même des rapports de proximité avec la terre à travers la relecture partielle du patrimoine culturel. Par conséquent, la réappropriation de ce patrimoine culturel se retrouve aussi dans l'espace antillais où Aimé Césaire et son réseau d'amis officient en tant qu'enseignant. Césaire se lance aussi dans la bataille du détournement du patrimoine. Parce qu'en fait, c'est un enjeu à l'époque. L'enjeu consiste à recréer une narration. Donc, le régime de Vichy veut recréer une narration de la France. Hein, en disant, voilà, la France, c'est travail, patrie, famille. Et dans le domaine culturel, ce qui représente le mieux cette idéologie, ce serait Charles Péguy, Céline, etc. Donc, il revalorise ces auteurs-là. Et donc, il détourne les figures du patrimoine culturel. Et tout l'enjeu, justement, pour Césaire, pour les auteurs comme ça, qui en fait, dans ce cadre-là, ils sont complètement rejetés de cette narration, c'est de récupérer cette narration, mais non pas en vantant des figures antillaises expressément, ils vont reprendre les figures typiquement françaises, de la France hexagonale, qui vont relire. Ainsi, par exemple, dans la revue Tropique, Aimé Césaire, vous allez voir, il va relire Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Charles Péguy. Il y a un texte sur Charles Péguy. Et ils vont leur attribuer une valeur de résistance. Donc, ce sont des résistants à l'ordre établi. Donc, Aimé Césaire et ses alliés du moment, comme René Ménil, hein, Suzanne Roussy, dite Césaire, ainsi que toutes... je m'arrête juste sur Suzanne Roussy. Il y a un très beau livre qui vient de paraître, qui est paru déjà en 2002, mais je viens seulement d'en prendre connaissance il n'y a pas longtemps. Vous voyez, hein, c'est en anglais, donc c'est sur Suzanne Césaire, donc, qui reconstitue sa pensée. Mais si vous voulez, je n'ai pas le... réponse exacte, je l'ai acheté, mais je peux vous envoyer ça par mail, parce que c'est le seul livre le seul bouquin sérieux sur elle, qui reconstitue sa pensée en tant que féministe noire, donc féministe des marges. Ainsi que toute l'équipe de la revue Tropique doivent se réapproprier le patrimoine culturel qualifié de national, qui est monopolisé par Vichy. Eux le transposent à la donne locale, et ce en fonction de la logique autonome de leur champ culturel en formation. Donc il y a deux affrontements, donc, une logique hétéronome, hein, qui consiste, c'est-à-dire que le pouvoir, l'ordre politique, voudrait imposer à l'ordre symbolique, hein, donc l'univers littéraire, une vision de la littérature, une manière de dire et de faire la littérature, donc de pratiquer la littérature, en l'occurrence, et de penser. Et, la résistance du groupe d'Aimé Césaire, en l'occurrence, puisqu'en France aussi, bien sûr, comme vous savez, il y a eu la résistance d'intellectuels, comme l'a montré Gisèle Sapiro, par exemple, cette résistance-là, c'est une lutte pour l'autonomie du champ littéraire. Ça ne veut pas dire que cette autonomie-là va forcément aboutir. Mais, puisque Aimé Césaire, justement, qui est évidemment politique aussi, va en fait créer, une autre forme d'autonomie. Et quand je parle d'autonomie, par exemple, à des bourdieusiens aguerris, ils refusent d'admettre que, par exemple, pour eux, la question du nomos, il y a un seul nomos, un seul acte fondateur, entre guillemets, de la norme, c'est Baudelaire, comme Bourdieu l'aurait montré, disent-ils. Et donc, toute autre introduction d'un nouveau nomos, c'est impossible. C'est curieux, mais certains bourdieusiens aussi ont quelques difficultés à penser véritablement les marges. Parce que pour eux, les marges, c'est souffrantes, entre guillemets, en France, hein, ou en France métropolitaine, et que tout le reste, ce n'est qu'une question de domination. Tout le reste est noyé dans la question de la domination en général. Et donc, ils ont beaucoup. J'ai discuté longtemps avec Patrick Chantal, mais il a vraiment beaucoup de mal à comprendre. Tout ce qui est noir, c'est vrai, vraiment, ils ont curieusement, parce que quand on lit Bourdieu, moi j'ai lu tout Bourdieu, j'ai étudié tout, oui, j'ai peut-être perdu du temps, je sais pas, en tout cas j'ai lu tout Bourdieu, et c'est un penseur très intéressant, je m'inspire de l'esprit, de l'idée de penser relationnellement, encore que l'idée même de penser relationnellement, c'est l'abnisme aussi. Mmh. Donc c'est pas que Bourdieu, parce qu'il se réapproprie beaucoup de concepts qui viennent de la philosophie. Mmh. C'est l'abnisme. Hein. Donc la question de, par exemple, son idée de réseau, c'est la monadologie, en fait, quelque part. Hein. Et donc, chez Bourdieu, effectivement, la notion de domination, la notion de relation, mais la question de la marge, à mon avis, elle n'est pas pensée, il ne la pense pas jusqu'au bout. Et donc, la question de l'acte innocent du nomos, dans la littérature afro-antillaise, il y a plusieurs nomos, plusieurs injonctions qui se créent et qui justement contestent l'injonction baudelairienne, notamment. Donc c'est la raison pour laquelle je crois que la pensée de Bourdieu doit aussi être critiquée à partir de la position des marges. Donc c'est une marge dans la marge, entre guillemets. Donc la présence d'Aimé Césaire dans ce premier débat de l'univers afro-antillais en constitution correspond à l'arrivée dans l'espace intellectuel de nouveaux agents afro-antillais dotés de capital culturel plus élevé que leurs prédécesseurs. Parce que la critique d'Aimé Césaire, c'est aussi une critique de personnes qui sont beaucoup plus qualifiées au niveau du capital culturel et du capital social, par exemple par rapport à René Maran. Et je suis en train d'étudier les écrivains, les intellectuels de la diaspora, bien de la diaspora noire en Europe, du XVIIe siècle à peu près aujourd'hui, et j'ai constaté qu'en fait il y avait deux sortes de populations noires en Europe. Il y avait bien sûr les noirs issus de l'esclavage, des plantations, etc., des anciens esclaves qui sont arrivés en Europe, où il y avait même une communauté noire au Portugal, et ce sont des domestiques, des paysans, etc. Il y a même une révolte noire, parce qu'à un moment donné, il y avait un déséquilibre entre la population noire de Lisbonne et les autres, et donc il y a eu des révoltes, etc. Et en fait, il y a cette population-là, et puis à côté, il y a des intellectuels. Et en fait, la tradition intellectuelle des Noirs en Europe, depuis à peu près le XVIIe siècle, pour avant, il y a aussi des livres sur les Noirs pendant la Renaissance, c'est un générique qui a écrit ça. Et en fait, les élites noires en Europe, leur tradition, c'est d'être assimilationnistes. Assimilationniste, pour reprendre les termes plus forts, donc l'intégration. Que ce soit en Russie, de la Russie jusqu'à ici, c'est une tradition qui est très très très très courante. Et justement, la nouveauté par rapport, la différence avec les intellectuels de la diaspora afro-antillaise des années 20, donc du 20e siècle, c'est justement cette contestation. Ce sont les premières contestations de l'assimilation. Avant ça, il y a très peu de contestations de l'assimilation, du moins de façon massive. C'est donc ça. Bien sûr, cette contestation a commencé avec les Noirs américains, et puis les Noirs en France également, certains du moins, comme Aimé Césaire, ont repris cette contestation et l'ont réactualisée en fonction de leur contexte. Et donc, cela est également dû à la qualification, parce qu'ils sont extrêmement, extrêmement qualifiés. Ils ont des connaissances très approfondies sur la littérature française. Par exemple, Aimé Césaire, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus diplômé que... Chaque fois, j'oublie son ennemi juré, d'ailleurs. Celui qui était... qui dirigeait les lettres françaises. Aragon, voilà. Aragon. il a plus de connaissances en littérature que Aragon et également que Breton en vérité, hein, si on voit bien. Et en fait, Aragon, qui n'aime pas Césaire, parce ce sont des ennemis, alors parce que Césaire, bien sûr, était proche de Breton, mais c'est aussi parce qu'il sentait qu'il y avait une différence de niveau. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas admettre. Alors, en fait, vous les voyez dans les textes. Par exemple, Césaire, il écrit un texte pour dire à René de Pestre, parce que René de Pestre s'est rapproché d'Aragon, il dit à un moment donné, laisse tomber Aragon. Reprenant en fait en pastichant Aragon, en reprenant en disant voilà, moi je peux écrire tes propres vers mieux que toi. Vous voyez, c'est ça. C'est lui, c'est. Donc, c'est, si vous voulez, c'est un combat, effectivement, qui résulte à la fois d'une différence, d'un écart culturel, d'une différence de niveau, mais également d'une conception du monde et de la littérature. Et donc, l'un des problèmes également que l'on rencontre souvent dans ces études-là, c'est qu'on remet rarement Césaire, Sangot, etc., en relation avec les écrivains français, la France hexagonale. Ce sont des constructions a posteriori. Donc je me rends compte que finalement, je n'ai pas besoin de mes feuilles. je vais parler comme ça. C'était pour être certain que... Parce que je veux dire des choses précises, parce que le problème de la parole libre, c'est que ça peut paraître faux, ce qu'on dit. Mais... À la Libération, pour aller vite, Sartre va réussir à imposer une norme littéraire, et cette norme littéraire-là va être contestée par Aimé Césaire notamment, et une autre génération. Et en même temps, Aimé Césaire va se réadapter, il va se réajuster à la nouvelle donne. Et ce réajustement va conduire Césaire à porter son discours sur des figurations. Des figurations comme Toussaint l'Ouverture, Christophe, etc., Lumumba. C'est en empruntant une voie différente des forces en présence dans le champ intellectuel, force dont le dénominateur commun est la critique du nomosartrien, parce que le nomosartrien est de plus en plus critiqué, notamment par le structuralisme. Et le mouvement même qu'opère Césaire, c'est un mouvement qui s'inscrit en relation avec la critique générale qui s'opère sur la pensée sartrienne. Et Césaire donc réajuste sa position au changement en cours. Et concernant sa position politique, qui change, hein, donc il était pour la départementalisation, puis il passe de la départementalisation à l'autonomie des Antilles. il change de stratégie en se montrant favorable à l'autonomie des Antilles et aux indépendances africaines contre la colonialité. Du point de vue littéraire, donc cette position-là va se réfracter dans sa production littéraire et dans sa pensée. Il s'autonomise également par rapport à la contrainte générique en pratiquant le transgénérique, parce qu'à cette époque-là, on est en train de faire la promotion d'une transversalité des genres. Ainsi, il va se mettre à écrire ce qu'on appelle de la prose poétique, donc du théâtre poétique. Quand vous lisez sa pièce de théâtre, eh bien, vous avez de longs passages poétiques, évocatoires, qui renvoient, à un référent. Et en continuant à évoquer la souffrance de l'esclavage contre le silence créé autour de cet événement historique. La position de Sartre rejoint celle de Césaire. Comme ce dernier, il voit dans les indépendances des dominés une nécessité culturelle et socio-économique. Dans cette optique, la prise de parole des dominés dans le champ intellectuel est un des moments forts de cette lutte légitime qui, à l'avenir, doit prendre un aspect plus universel. Donc, pour Sartre, le combat des afro-descendants, c'est bien, c'est une réaction, mais c'est une réaction qui doit tendre vers l'universel. Quel est cet universel? Bien sûr, c'est sa conception de l'universel, c'est-à-dire il doit devenir plus français, entre guillemets, ou adopter la conception de l'universel des intellectuels français dont il fait partie. Donc, même chez Sartre, il y a une difficulté de penser les marges dans leurs différences radicales. Donc, parce que cette différence-là, elle est conçue comme étant une négativité, en fait. Et c'est cette injonction de l'universel que ne partage pas Césaire, qui voit une autre manifestation de l'internalisation de la colonialité dont Sartre est lui-même prisonnier. Mais tout comme Sartre, Césaire utilise lui aussi le dispositif de la mise en scène, parce que le théâtre, c'est un changement de dispositif. Moi j'ai essayé d'établir plusieurs moments. Donc avant ça, Aimé Césaire utilisait plutôt la notion de l'expérience de la violence. Donc ça part d'une expérience concrète. Et cette expérience de la violence qui est pléthorique dans sa production poétique va, à un moment donné, se transposer en expérience de la mise en scène. Donc, le fait de mettre en scène des personnages, des figures, n'est-ce pas, c'est une manière, c'est une manière d'essayer d'établir une proximité héritée de l'univers afro-descendant et proximité qui serait porteuse d'une relative interculturalité. Donc, par l'intermédiaire de ces figures, il s'agit de mesurer autrement l'historicité antillaise et hexagonale tout en constituant une réponse à la pression exercée par les nouveaux concurrents comme Édouard Glissant. Édouard Glissant, qui entre en scène à ce moment-là également, avec d'autres, critique beaucoup Aimé Césaire, mais de façon oblique. Jamais vous ne lirez chez Édouard Glissant une critique ouverte. Il dira que la négritude est un moment nécessaire. Il dit la négritude est un moment nécessaire. Mais Aimé Césaire n'a jamais dit qu'il était. Il a inventé le terme de négritude, mais c'est négritude au terme de. Au sens où l'entendait par exemple du Boys. Mais il n'y a pas de concept, il n'y a pas de réflexion sur la négritude comme chez Sangor par exemple. La négritude en fait c'est un concept sangorien. Ce sont les critiques qui prennent cela pour argent comptant et qui disent Aimé Césaire c'est un écrivain de la négritude. Enfin, c'est ce que j'ai lu dans le discours de M. Sarkozy. C'était le chantre de la négritude et l'enfant de la République. En même temps, il était martiniquais et français. Et puis bien sûr, il était tout ça grâce à la République. C'est le discours convenu sur Césaire qu'on doit absolument tenir. Donc si quelqu'un fait une thèse doctorale, il doit absolument dire ça. Sinon il passera pas, c'est sûr et certain. En France. Ailleurs, moi j'ai fait ma thèse doctorale en Belgique. Donc j'étais épargné par cela. Mais il y avait des critiques, des intellectuels, des universitaires français qui faisaient partie de ma thèse doctorale, de mon jeune thèse, et qui contestaient l'idée même qu'on puisse étudier Césaire, d'étudier tous ses auteurs, si on étudiait plusieurs, de façon relationnelle. C'était pas quelque chose de concevable. On disait, oui, mais tu n'as pas expliqué le concept de négritude. Ça n'existe pas, apparemment, le concept de négritude. C'est une injonction sangorienne, et on relie la littérature afro-antillaise à partir du regard de Sangor. Mais chez Césaire, il n'y a pas de... Mais Édouard Glissant a intérêt à dire que Césaire, c'est la négritude, puisque lui, il veut émerger à ce moment-là, dans l'espace intellectuel. Donc il faut caricaturer ça. C'est la négritude, et cette négritude-là doit être dépassée au travers de la relation. Au travers le concept, pardon, de la relation. Et donc, l'utilisation du dispositif de la mise en scène s'effectue par la médiation de figures déterminantes. Ces figures déterminantes, ça c'est donc c'est inutile d'avoir mis ça, c'est par exemple Toussaint Louverture, le roi Christophe, Lumumba, une saison de Congo, c'est un pastiche d'une saison en enfer, puisque le Congo, c'est le cœur des ténèbres. Donc c'est donc un pastiche à la fois d'une saison d'enfer de Rimbaud, et en même temps du sens commun, le cœur des ténèbres. Donc c'est une récupération, on appelle ça un interdiscours, c'est la récupération d'un discours collectif qui est détourné et qui est repensé autrement. Et bien sûr, et une tempête. Le caractère multiple et interchangeable de ces figures, donc c'est dans cette littérature-là, dans ces productions-là, il va mettre en évidence des figures. Et ces figures-là sont interchangeables, de mon point de vue en tout cas. Ces figures-là sont liées aux transformations des conditions matérielles d'existence et de la spatio-temporalité. Mais, malgré leur caractère interchangeable, il y a une forme de permanence dans la discontinuité et une unicité fondamentale dans la pluralité. Leurs attributs conservent ainsi toute leur complexité, mais au sens du multiple. Donc, ils sont, Aimé Césaire veut créer un discours sur Lumumba, par exemple, mais en parlant de Lumumba, il parle du roi Christophe, de Toussaint Louverture. Mais tout en, comment dirais-je, mais quand on lit ce texte-là, on voit que on voit bien qu'il a parfaitement compris les enjeux locaux au Congo. Mais ces enjeux locaux, dit-il, c'est la même chose. C'est la même chose en fait que pour les Antilles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème fondamental, c'est que faire de la liberté une fois qu'on l'a acquise ? Qu'en faire ? Est-ce que la liberté est une évidence, ou alors la liberté n'est-elle pas à construire ? C'est ça le discours fondamental. C'est ça en fait sa philosophie. Mais vous, comme vous le savez, Sartre aussi pense à la notion de la liberté. Donc c'est une critique. C'est un contre-discours au discours de Sartre également sur la liberté. Et donc ces figures-là, ce sont des figures qui vont s'inscrire dans le fil historique. Donc il s'agit pour Aimé Césaire, à travers la littérature, de refaire une narration de l'histoire des dominés à partir de l'exemple des Antilles, et de prendre dans cette histoire, de faire ce que j'appellerais des coupes successives, c'est-à-dire faire des incisions. Et ces incisions-là, c'est prendre une figure qui est déterminante dans le long fil historique, mais on prend un seul moment, c'est-à-dire le moment de cette figure-là. Et le moment de cette figure-là, c'est ça que j'appelle ça une figure historiale. Historialité au sens, c'est un concept de Heidegger, hein. Donc c'est au sens de figure déterminante pour le fil historique. Et donc, il s'agit donc de voir, que la narration de l'histoire des Antilles se fait à travers des figures, et que ces figures-là sont des éléments de simplification de la complexité de cette histoire. Et donc, c'est pour ça qu'il va utiliser le théâtre, parce que le théâtre, c'est plus accessible pour le grand public que la poésie, parce que la poésie est extrêmement, éminemment hermétique. Le grand public ne comprend rien à sa poésie. Donc en utilisant le dispositif de la mise en scène, il simplifie son discours, il donne accès à l'histoire, mais une histoire complexe, simplifiée, à travers des figures. Donc on retient Toussaint Louverture, Lumumba, Caliban, Prospero, etc. etc., etc. Grâce à la réflexion menée à partir de la figuration régulée par le dispositif de la mise en scène, Césaire en arrive à une forme de discours, un terme barbare, eutétymologique, c'est-à-dire un discours fondé sur les expériences concrètes, que reformulera Glissant selon ses propres catégories de l'entendement littéraire. En fait, Glissant, c'est du Césaire amélioré. Césaire 2.0. C'est du Césaire, exactement. C'est du Césaire 2.0. C'est exactement la même chose, en vérité. J'ai lu tout Glissant, je suis en train d'écrire un livre sur lui, et c'est ce que j'ai remarqué. C'est les mêmes thématiques. C'est pratiquement une poésie, il pastiche Césaire tout le temps. Toutes ces thématiques sont chez Césaire, il les développe simplement. Il crée une pensée, par exemple quand il parle de la poésie comme connaissance du monde, ben, vous avez ça chez Césaire, il a écrit un texte dans Tropique, et où vous avez tout le programme philosophique et littéraire d'Aimé Césaire, et que Glissant va développer. Mais la caractéristique de Glissant, il fait comme faisait Platon, il ne cite jamais ses sources, et il fait comme s'il était, comme si en fait la pensée avait commencé à partir de lui. Oui. Parce que c'est une stratégie d'émergence simplement, donc il faut tuer le père, hein. il faut tuer le père, et on le tue par le silence, et par la catégorisation, la négritude. Les figures sont, alors parce qu'on sait très bien que la négritude aux Antilles, hein, parce que la négritude, hein, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, comment dirais-je, il y a un décalage entre l'Afrique fantasmée, mythique, de Césaire par exemple, puisque le référent majeur pour Aimé Césaire, c'est l'Afrique, et puis l'Afrique réelle, qui a déçu des populations comme les Antilles, puisque leur indépendance a échoué, entre guillemets. Donc, et puis c'est pas une image valorisée. Donc se référer à quelque chose qui a échoué de leur point de vue n'est pas très intéressant, et donc c'est la raison pour laquelle ils vont essayer de s'en écarter en mettant en évidence la relation, la priorité, etc., etc. Les figures sont associées au kairos, en ce sens, donc premier type de figure, j'espère que je suis pas trop brouillon, ça va. Donc première figure, je disais donc, c'est la figure du kairos, hein, ou de la conscience nationale. C'est-à-dire que c'est une figure qui arrive souvent au moment propice. C'est ça le sens de Kairos, hein. Il y a un philosophe ici. J'espère que je parle sous son contrôle. Hein. Qui arrive souvent au moment propice et qui voit réunir les conditions d'un bouleversement radical de l'ordre dominant. Donc Toussaint Louverture, il arrive au moment propice parce qu'avant lui, il y avait eu Piassou, il y avait eu Jean-Christophe. J'ai pas compris Kairos. Le Kairos, donc, c'est le moment opportun. Le moment opportun. D'accord. Donc, il ne vient pas par hasard. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que c'est un peu plus. Right, c'est le moment riche et tout à fait. Et il faut en profiter. Tout à fait. D'accord. Et il incarne cela, en fait. Toussaint Louverture incarne cela. Il n'arrive pas trop tard, il n'arrive pas trop tôt, il arrive. Bref, c'est exactement. Enfin, alors que Bookman était, par exemple, Bookman, la figure qui précède Toussaint Louverture, lui, il n'est pas arrivé au moment opportun. C'est pour ça qu'il aurait échoué. C'est ce que dit M. Césaire. Bookman a échoué parce qu'il n'a pas saisi le moment opportun. Donc il était trop radical quand il ne fallait pas l'être, etc. etc. Donc, la figure de toutes ces figures, Lumumba, Toussaint Louverture, etc., Christophe, sont des figures du Kairos. Ce sont également des consciences nationales. Il s'agit aussi, donc, c'est-à-dire qu'ils ont une dimension collective. Elles ont une dimension collective. Elles sont enracinées dans les masses populaires et anticolonialistes. Ce sont des figures qui vivent également une tragédie en raison de la difficulté de s'affranchir de la colonialité. Ce qui peut amener cette figure ou ces figures à retourner la violence internalisée contre leur propre peuple ou son propre peuple, dont ces figures sont proches, et ce, en l'absence de toute réflexivité. Donc, ce sont des figures, qui, par exemple, Toussaint Louverture, finalement, il a échoué parce que il arrive au moment opportun, mais en même temps, il a caporalisé la société. À un moment donné, il dit dans Toussaint Louverture, le Toussaint Louverture d'Edouard Glissant, Monsieur Toussaint, il dit à ses soldats, lorsque nous marcherons sur les villes, même la poussière sera dissipée. Donc, ou même Christophe, par exemple, dans la tragédie du roi Christophe, eh bien, il va singer les cours européennes. Donc, il montre en fait qu'il a internalisé la violence symbolique, et il va caporaliser. Il va également créer un système, une dictature militaire. Donc, il a échoué. Vous voyez, donc César montre bien l'idée que la liberté, en fait, pour lui, c'est d'abord une liberté mentale. Une émancipation mentale, c'est une relecture de sa propre histoire, débarrassée de scories coloniales, lui parle plutôt de sadisme colonial. Et donc, à la fois, c'est une figure du Kairos, une conscience nationale, c'est également un stratège politique. Une figure du Kairos, conscience nationale, c'est un stratège politique, donc ça c'est le Toussaint Louverture de Lamartine, parce qu'en fait il y a un enjeu. Lamartine aussi écrit un livre sur Toussaint Louverture, et il dessine une autre figure de Toussaint Louverture. Donc c'est une figure, pour Lamartine, Toussaint Louverture, c'est la figure même du. C'est un insurgé qui s'est révolté contre la République, et c'est mauvais, bien sûr. Et donc Aimé Césaire, en écrivant son Toussaint Louverture, c'est contre Lamartine également. En fait, il y a des myriades de livres sur Toussaint Louverture dans les pays anglo-saxons, surtout au XIXe siècle. Et je crois qu'il y a plus de 100 publications sur Toussaint Louverture. Donc, j'ai lu que la moitié, donc j'ai pas réussi à tout terminer. Et en fait, c'est exactement. En fait, il y a vraiment un enjeu sur comment représenter Toussaint Louverture. Donc, pour les sociétés européennes, c'est un petit esclave révolté qui s'est révolté contre l'ordre établi, et c'est scandaleux. Scandaleux, et donc il s'agit de réécrire l'histoire des Antilles à partir de l'Europe, et donc récupérer la figure de Toussaint Louverture, c'est un enjeu politique. C'est la raison pour laquelle Aimé Césaire écrit sur Toussaint Louverture, et C.R.L. James aussi. Cette figure-là, c'est aussi un stratège politique, c'est-à-dire qu'il comprend bien la nécessité de se réajuster au cadre idéologique et, c'est également quelqu'un qui sait dépasser l'abstraction. Donc, il combat la liberté, enfin, il défend la liberté générale. Et cette liberté générale-là, c'est aussi quelque chose de concret. Et cette abstraction qu'est la liberté générale est incarnée par la figure même de Toussaint Louverture ou bien de Henri Christophe. C'est une figure de la liberté. Donc pour Monsieur Tout-le-Monde, entre guillemets, on peut dire voilà, Henri Christophe, c'est une figure de la liberté. Mais vous remarquerez que chez Césaire, il n'y a pas Dessalines. Il ne parle jamais de Dessalines. Et pourtant, Dessalines est le père de l'indépendance haïtienne. Alors, c'est ce que j'ai remarqué que très tardivement, après avoir écrit mon livre. Donc, j'ai remarqué après. En fait, il ne parle pas de Dessalines parce que Dessalines n'entre pas dans sa représentation du héros haïtien ou du héros entier. Le héros entier est quelque chose de dramatique. Donc, il arrive toujours à un échec. Tandis que Dessalines, lui, n'est pas, lui, il a réussi. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'est plus intéressant. Il n'est pas intéressant parce que c'est une anomalie. C'est une anomalie. Pour le dire de façon simple. C'est un stratège politique, je l'ai dit. C'est également, Aimé Césaire va s'inscrire dans la lignée de James. Vous connaissez ce livre, bien sûr, et j'imagine que vous lisez tous l'anglais. Je vous recommande plutôt la version anglaise. C'est beaucoup plus clair. Cette traduction, je trouve qu'elle est très mauvaise. En plus, en anglais, c'est plus court. Mauvaise, plus longue. Non, vraiment, j'ai comparé comme ça pour le plaisir. Et c'est trop difficile. Par rapport à ça. Et puis, il y a certains termes utilisés qui sont incontestables. Bon, c'est une vieille traduction, mais vraiment en anglais, c'est beaucoup plus clair. C'est pas. Je crois qu'il y a un autre. C'est pas la même chose. Monsieur Toussaint Play de Toussaint Louverture. Oui, donc c'est vraiment un enjeu très important dans les Antilles. Et c'est une figure également, c'est un archétype de la proximité avec soi et le monde. Et c'est un archétype de la proximité avec soi et le monde en ce sens que, comment dirais-je, c'est une proximité avec soi et le monde grâce à la réécriture du discours sur la souffrance et la violence qui est liée à la colonialité qui devient constitutive de l'autre, afro-descendant, ce qui permet un retour sur l'ipséité à travers l'historicité déterminante. De la sorte, la souffrance devient la mesure des rapports au monde de Césaire en tant qu'écrivain de la diaspora afro-descendante. Donc c'est un modèle de proximité avec soi et le monde, mais c'est un modèle de proximité dans lequel il y a ce qu'on appellerait l'antinomie de la proximité. À la fois il est proche, mais également éloigné. C'est sa proximité qui va créer l'éloignement. Il est proche parce que c'est une figure incarnée. Il est éloigné parce qu'il défend des idées abstraites, c'est-à-dire la liberté. Et à la fois, il s'agit également d'une figure, il s'agit également d'une figure de la souffrance et du malheur. La souffrance qui est le résultat de la violence coloniale, dont la matrice est précisément la race, elle est aussi générique en ce qu'elle contient toutes les autres passés. Donc c'est une souffrance du passé, donc c'est une souffrance que j'appellerais, c'est une forme de préfiguration, qui préfigure la souffrance du futur, donc c'est du passé, mais qui préfigure le futur, donc la figuration, donc il y a la préfiguration et de la figuration. Et comme je l'ai dit, elle illustre une forme d'antinomie de la proximité, proche et éloignée, qui fait d'elle aussi une figure du malheur. Ce qui permet à l'auteur du cahier d'un retour au pays natal de légitimer son évocation. Donc c'est une figure du malheur, parce que le malheur c'est une figure littéraire très utilisée. Hein. Par exemple Jean-Jacques Rousseau, qui est malheureux, n'est-ce pas, dessine, c'est un écrivain malheureux. C'est une topique, c'est un topique ou utopique, on dit une ou un topique, je ne sais jamais. Un topique. C'est un topique, pourtant je suis francophone natif. C'est un topique du malheur. Parce que, comment dirais-je, en fait, il passe de la souffrance au malheur, parce que lui donner une configuration malheureuse, c'est s'inscrire contre la colonialité du pouvoir qui voit l'esclave ou le marginal, en l'occurrence noir, puisque c'est ça que je m'intéresse plutôt à eux, comme des figures du mal, des figurations du mal. Ce sont des figures de la transgression morale. Ils transgressent la morale. Et quelle est cette transgression de la morale? Eh bien, c'est le fait de n'être pas blanc et de ne pas faire partie de l'humanité universelle, universaliste. Et donc, ce sont des figures du mal. Et donc, comme ils sont mauvais, entre guillemets, bah, il faut, un, les combattre, deux, les rendre esclaves et les évangéliser. Et donc, on passe comme ça d'une figure du mal à une figure du malheur. Et donc c'est un contre-discours. Figure du malheur, ce n'est pas une victime. J'avais beaucoup de choses encore, des choses à vous dire, mais je vais terminer par un extrait, parce que je pense qu'un extrait vaut mieux qu'un long discours. Cette figure de la souffrance, ça va, est-ce que vous voyez? Cette figure de la souffrance, vous me voyez bien? Non, c'est pas bien. Mais lui, il est aveugle. Okay. Il voit rien. Je vais lire. Alors. Donc, c'est un poème qui s'appelle Séisme d'Aimé Césaire, issu de Ferrement. Ferrement, donc, c'est l'action de ferrer, mais également c'est l'action de ferrer comme un cheval, comme un animal. Donc, séisme, tant de grands pans de rêve, de parties d'intimes patries effondrées, tombées vides, et le sillage sali sonore de l'idée, et nous deux, quoi nous deux, à peu près l'histoire de la famille rescapée du désastre. Dans l'odeur de vieilles couleuvres de nos sangs, nous fuyons. La vallée, le village, nous poursuivait avec sur nos talons des lions de pierre rugissant. Sommeil, mauvais réveil du cœur, le tien sur le mien, vaisselle ébréchée, empilée dans le creux tangant des méridiens. Essayez des mots, leur frottement pour conjurer l'informe comme les insectes de nuit, leurs élytres de démence. Pris, hors mensonge, pris, rôlé, précipité, selon rien, sinon l'abrupte persistance mal lue de nos vrais noms, nos noms miraculeux, jusqu'ici, dans la réserve d'un oubli gitan. Donc, ici, dans ce poème séisme, c'est séisme, c'est également un interdiscours, séisme au sens de l'esprit des Antilles, c'est-à-dire l'esprit. Du volcan, de la révolte, mais c'est également l'effondrement. L'effondrement de quoi? Ben, l'effondrement issu de la perte de l'identité ou de soi-même, d'un éloignement par rapport à soi-même ou de soi-même, et cet éloignement résulterait de l'esclavage. Tant de grands pans de rêve, de parties d'intimes patries effondrées. Ces intimes patries-là, c'est l'origine. Alors, je le sais parce que quand on lit l'ensemble du recueil et quand on lit toute sa poésie, le sens devient plus clair. Donc, avec un seul, c'est pas juste avec ça qu'on peut le savoir. Donc, je vous livre ce que j'ai déjà étudié. Après, bien sûr, à vous de contester. Hein. Cette patrie intime, c'est ça qu'il doit rechercher. Si en fait c'est creuser soi-même pour retrouver ce qu'il a perdu. Et par exemple, dans le cas d'un retour au pays natal, il dit « À force de regarder les arbres, je suis devenu un arbre et je me suis enraciné. Et qu'ai-je trouvé en m'enracinant? Des ossements. » N'est-ce pas? C'est-à-dire, en m'enracinant, j'ai trouvé ma propre souffrance. Et donc, c'est ça, c'est ce qui me permet de dire qu'en fait, il est à la recherche de soi-même ou de quelque chose comme... Enfin, il est à la recherche d'une construction de soi-même. Et que trouve-t-il? Il trouve, ben, c'est ça, donc ce sont ces patries effondrées. Il trouve le vide et surtout, c'est ça, à mon avis, qui donne la clé, nos vrais noms, nos noms miraculeux jusqu'ici dans la réserve d'un oubli gitan. Donc c'est-à-dire l'aliénation totale. Hein, puisqu'il s'appelle désormais, entre guillemets, là, Aimé Césaire, et non pas Boitard, comme moi, qui est un nom africain, il s'appelle Aimé Césaire. Et donc, cette perte de l'identité va même jusqu'au patronyme, n'est-ce pas? Et c'est... Pardon? Elle commence même par patronyme. Elle commence même par patronyme. Et c'est ça, en fait, le séisme. Et c'est ça, en fait, c'est ça l'aliénation. Et donc, il dessine bien, donc... l'image, César, en fait, la figure de la souffrance. C'est ça, en fait, la souffrance. c'est cette absence de proximité avec sa propre histoire. C'est pas... Donc ça, c'est le premier élément. Alors, comment cela se concrétise-t-il dans... comment ça se concrétise-t-il dans l'écriture ? Eh bien, par la rupture même de la syntaxe. Hein. Et donc, ce n'est plus un poème de type... un poème en prose, il n'y a plus de rime. Et également, comment dirais-je, l'introduction d'un discours collectif. Hein. Ce discours collectif-là, c'est la reprise de forme du créole. Donc, c'est du français créolisé, en fait. Hein. Notamment, tant de grands pans de rêves, de parties, d'intimes, patries, s'effondrent. Donc, en fait, en français courant, entre guillemets, il aurait fallu dire « Il y a tant de grands pans de rêves et de parties d'intimes, patries, s'effondrées. » En fait, en éliminant la rupture, donc en créant une rupture logique, il va rendre sa poésie beaucoup plus évocatoire. C'est pas ? Il va renvoyer à un référent, et ce référent-là, ce sont les Antilles. Mais si vous lisez cela, vous ne savez pas que Césaire est entier et son histoire, etc., vous ne pouvez pas comprendre ça comme ça. Parce que j'ai fait le test avec le public polonais, j'aurais demandé, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous ? Oh, voilà, rien, c'est un séisme, c'est... quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, voilà. C'est une chose comme ça. Et je leur dis, est-ce que ça n'évoque pas la Pologne ? Ah oui, peut-être. Je dis, non, c'est peu probable. C'est peu probable. C'est possible, mais c'est peu probable. Et alors, en leur expliquant l'histoire, après, ils se rendent compte. Mais, en fait, c'est-à-dire que pour comprendre ça, il faut avoir le référent. Et, alors, on peut avoir un mauvais référent. Et dans le monde des études littéraires, et c'est souvent le mauvais référent qui est mobilisé, c'est, il ne parle surtout pas de l'esclavage. C'est pas possible. Non, il est au-delà de l'esclavage. C'est ce qu'ils vont dire. Il est au-delà de l'esclavage. Parce qu'en fait, c'est gênant. Ça gêne, en fait. C'est un discours. Parler de l'esclavage, c'est quelque chose de problématique. Et donc, on va éliminer cet aspect-là. Mais toute sa poésie, il c'est clair, net et précis. Il évoque l'esclavage. Ça ne veut pas dire que. Comment dirais-je, qu'il n'évoque que cela. Mais c'est un élément central. Donc, ce poème-ci. C'est surtout ce poème qui m'a donné la clé sur l'idée de souffrance. Une tempête. Donc vous voyez, ce sera la même thématique. Hein, c'est pour ça que j'ai pris cet extrait-là. Donc c'est Caliban qui parle à Prospero. Donc Caliban entre. Qu'est-ce que tu... Prospero lui répond. Qu'est-ce que tu dis ? Enfin, Caliban dit « Ouh, ouh, ouh ». Prospero, qu'est-ce que tu dis ? Caliban, je dis ouhou, Prospero. Encore une remontée de ton langage barbare. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas ça. D'ailleurs, tu pourrais être poli. Un bonjour ne te tuerait pas. Caliban, ah, j'oubliais. Bonjour. Mais un bonjour, autant que possible, de guêpe, de crapaud, de pustule et de fiente. Puisse le jour d'aujourd'hui hâter de 10 ans le jour où les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre se rassasieront de ta charogne. Prospero. Toujours gracieux, je vois. Mm-hmm. Vilain singe. Comment peut-on être si laid ? Caliban. Tu me trouves laid, mais moi, je ne te trouve pas beau du tout. Avec ton nez crochu, tu ressembles à un vieux vautour. Il rit. Un vieux vautour au cou pelé. Prospero. Puisque tu manies si bien l'invective, tu pourrais au moins me bénir de t'avoir appris à parler. Un barbare. Une bête brute que j'ai éduquée, formée, que j'ai tirée de l'animalité qui l'engangue encore de toutes parts. Et donc, c'est clair, hein, c'est très clair. Donc c'est exactement, c'est le même discours, hein, mais cette fois en théâtre. Et donc ça, là, ici, ça paraît beaucoup plus clair, parce que, un, c'est de la prose poétique, parce que vous n'avez plus, vous avez moins d'actes évocatoires, donc il y a moins de, donc il n'est pas nécessaire d'avoir un référent pour saisir. Et, vous avez donc l'idée de l'aliénation à travers l'inculcation d'une autre culture, donc d'être, le fait d'être étranger à soi-même, ou d'être, comme dirait Spinoza, d'être gouverné par des éléments extérieurs, n'est-ce pas, à soi-même. Et donc, et cet élément extérieur à soi-même, c'est Prospero qui est la figure même du dominant. Un, il lui a inculqué sa culture, alors que lui était considéré comme étant barbare, proche de l'animalité, discours qu'on retrouve dans Bugjargal de Victor Hugo, n'est-ce pas, parce que Bugjargal de Victor Hugo, c'est... comment il s'appelle, j'ai oublié, Dauvernet qui raconte l'histoire de Bugjargal au narrateur, eh bien, il va faire une description de Luc Jergal qui est similaire à un animal. Donc il y a un passage, c'est au début, c'est juste au début du roman. Donc, c'est ça l'interdiscours. Donc, c'est la reprise, c'est une critique également de Luc Jergal de Victor Hugo, c'est une reprise de l'image courante qu'on retrouve dans la littérature qui traite des Antilles ou bien des marges, qui les compare à... Enfin, qui en font des descriptions type, enfin, proches de l'animalité. Donc, reprise de cela et critique par la suite. Donc, c'est ça l'interdiscours. Et c'est là qu'on, c'est à travers ces éléments-là qu'on peut remettre en relation. Et Prospero, comme vous voyez, lui ne perçoit pas cela comme un acte de résistance, mais plutôt comme de l'invective. Caractéristique même des dominants, c'est que, enfin de l'approche de la domination, c'est que toute résistance n'est que insulte et voire même, comment dirais-je, ingratitude. Voilà. Exactement. Et donc c'est exactement ce qui est. En plus, il parle breton parce qu'il baragouine. C'est marqué, hein. Sauf bien sûr à baragouiner ton langage pour comprendre tes ordres. Et le breton est considéré comme étant baragouin. Bara, ça veut dire pain, et gouine, ça veut dire pain. Ah, le mot français vient du breton. À partir du mot breton. Ah, il ne savait pas parler français, il disait que bara et gouine. C'est les seuls trucs qu'il savait demander. Du pain et du vin. C'est quoi les soldats bretons à Satory, c'est ça? En 70, on dit que c'est ça, oui, on dit que c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. C'est des conscrits bretons de 70 dans différents. Il lui demandait Para, Gwyn. Qui était stocké à Versailles, à côté de Paris, et les autorités ne comprenaient pas ce qu'il demandait. Il demandait du pain, il demandait à boire et à manger, il baragouinait. Mais le nom baragouiné est beaucoup plus ancien, on le retrouve déjà à la fin du Moyen-Âge. Oui, c'est très ancien. Mais bon. Eh bien, c'est. Eh bien, vraiment, c'est vraiment merci beaucoup. Hein, je vais introduire ça. Le bas de page. Le bas de page en disant bien que c'est grâce à vous. Ah vraiment, je suis vraiment impressionné. Je savais pas du tout. Mais donc c'est un peu proche entre guillemets. Ça évoque des choses pour vous. Ah oui, pour moi. Vous parlez tous breton. Bah, évidemment. Oui. Et donc, sans moi, que serais-tu? Traduction pour vous, que seriez-vous sans la France? Sans Paris. Que seriez-vous? Que seraient les Antilles sans la France? Réponse, sans toi, mais tout simplement le roi de l'île, le roi de mon île, que je tiens de Sycorax, ma mère. Donc, réintroduction d'une autre narration historique. Prospero, il y a des généalogies dont il vaut mieux ne pas se vanter. Une goule, une sorcière dont, Dieu merci, la mort nous a délivrés. Caliban, morte ou vivante, c'est ma mère, et je ne la renierai pas. D'ailleurs, tu ne la crois morte que parce que tu crois que la terre est chose morte. C'est tellement plus commode. Morte, alors, on la piétine, on la souille, on la foule d'un pied vainqueur. Moi, je la respecte car je sais qu'elle vit et que vit Sycorax, ma mère, etc. etc. Donc, c'est plus la peine de continuer. Hein. Donc, vous avez vu concrètement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à travers ce jeu, cette confrontation entre Prospero et Caliban, qui est également une reprise de Shakespeare, hein, donc un contre-discours de Shakespeare également. C'est il va dessiner une figure de le stratège, comment dirais-je, une conscience nationale, hein, mais également quelqu'un qui essaie d'être proche avec soi-même. Cette proximité avec soi-même, c'est la relecture de sa propre histoire, et également la résistance à la colonialité du pouvoir, c'est-à-dire à l'aliénation. Et donc, c'est ce que j'ai essayé d'étudier. Bien sûr, c'est imparfait. Et encore c'est quelle année, excusez-moi. Pardon, c'est quelle année? 69, non, c'est pas ça. 69, d'accord. Mais il est écrit avant, mais publié. Voilà. Il n'y a pas de conclusion. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, c'était passionnant, et puis vous avez vu que ça nous a, ça évoque quelque chose pour nous, hein. Ça, il va y avoir des échos, c'est sûr. Avant de passer à la deuxième phase, à la phase donc des questions, la discussion avec la salle, en général on fait une petite pause qui va vous permettre de souffler un petit peu, qui va nous permettre de boire une deuxième tasse de café puisqu'on a un deuxième thermos, et de poser la question rituelle, donc qui reste déjeuner ce midi? Vous restez déjeuner ce midi, hein? Tu restes ou pas? Bon, d'accord. 2, 3, 4, non? Je vais prier, dis donc. 5, 6, 7, 8, non? J'ai cours à midi. Tu peux pas? Je peux pas. Donc 9, voilà. Ok. Donc petite pause et après on passe à la discussion. Merci beaucoup.